Gwynplaine, enfant, avait-il été assez digne d'attention pour qu'on s'occupât de lui, au point de modifier son visage? Pourquoi pas, ne fût-ce que dans un but d'exhibition et de spéculation. Selon toute apparence, d'industrieux manieurs d'enfants avaient travaillé à cette figure. Et de cette sculpture puissante et profonde était sorti ce masque, Gwynplaine. Gwynplaine était saltimbanque. Il se faisait voir en public. Pas d'effet comparable au sien. Il guérissait les hypocondries rien qu'en se montrant. Il était à éviter pour les gens en deuil, confus et forcés, s'ils l'apercevaient, de rire indécemment. Il était le pôle opposé du chagrin. Spleen était à un bout et Gwynplaine à l'autre. Aussi était-il parvenu rapidement, dans les champs de foire et dans les carrefours, à une fort satisfaisante renommée d'homme horrible. C'est en riant que Gwynplaine faisait rire, et pourtant, il ne riait pas. Sa face riait, sa pensée, non. L'espèce de visage inouï que le hasard ou une industrie bizarrement spéciale lui avait façonné, riait tout seul. On voyait Gwynplaine, on riait. Quand on avait ri, on détournait la tête. Les femmes, surtout, avaient horreur. Cet homme était effroyable. Il était du reste grand, bien fait, agile, nullement difforme, si ce n'est de visage. En naissant, il avait dû être un enfant comme un autre. On avait conservé le corps intact, et seulement retouché la face. Gwynplaine avait été fait exprès. L'opération faite sur lui avait dû être affreuse. Mais, dès ce temps-là, on se le rappelle, les moyens d'endormir le patient et de supprimer la souffrance étaient connus. Seulement, à cette époque, on les appelait magie. Aujourd'hui, on les appelle anesthésie. Outre ce visage, ce qu'il avait élevé lui avait donné des ressources de gymnaste et d'athlète. Ses cheveux avaient éteint une couleur d'ocre une fois pour toutes. Cette peinture des cheveux, apparemment corrosive, les avait laissés laineux et bourrus au toucher. Ce hérissement fauve, plutôt crinière que chevelure, couvrait et cachait un profond crâne fait pour contenir de la pensée. Derrière son rire, il y avait une âme, faisant, comme nous tous, un songe. Du reste, ce rire était pour Gwynplaine tout un talent. Il n'y pouvait rien, il en tirait parti. Au moyen de ce rire, il gagnait sa vie. Gwynplaine, on l'a déjà sans doute reconnu, était cet enfant abandonné un soir d'hiver sur la côte de Portland et recueilli dans une pauvre cahute roulante à Weymouth.